Escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Francés. Nivel avanzado. Comprensión oral. Tarea 1. Escuche la grabación. Relacione las frases con las películas a las que se refieren. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas. Et avec Antoine Léris pour parler cinéma, puisque c'est votre rayon à vous, Antoine. Exactement. Et on commence avec le nouveau film de Paul Thomas Anderson, réalisateur de There Will Be Blood, et qui nous plonge là dans l'univers hippie en Californie dans les années 70 avec ses couleurs, son rythme, ses fringues et sa musique. Alors j'avais failli oublier ces drogues, parce qu'il est impossible que vous compreniez l'histoire d'Inherent Vice si vous ne prenez pas ce que prend Doc Sportello, le personnage principal du film. Oui, tout au long du film, il utilise la marijuana, le LSD, les acides, etc., etc. En fait, c'est les années 70, quoi. Et c'est donc avec une perception légèrement altérée qu'il va devoir mener une enquête. Parce qu'il est détective privé et qu'un soir, son ex-petit ami débarque pour lui confier une affaire. Son nouveau mec, promoteur immobilier milliardaire, est victime d'un complot. Sa femme et l'amant de celle-ci veulent l'envoyer chez les fous pour récupérer sa fortune. Donc jusqu'ici, niveau compréhension de l'histoire, tout va bien, Laurent ? Oui, on va dire ça. À peu près. C'est parce que je vous ai pas encore dit que dans cette intrigue, vous trouverez aussi Owen Wilson en gourou héroïnomane, Josh Brolin en flic de la police locale ou alors en acteur de série télé, on sait pas trop. Il y a aussi le FBI, la mafia chinoise, des Hells Angels néo-nazis et une société d'import-export de cocaïne qui a pignon sur rue. Alors ouais, je pourrais vous raconter tout ça en détail, mais en même temps, je préfère vous laisser vous perdre dans cette histoire, parce qu'avec Inherent Vice, il faut accepter l'incongru, se laisser porter par le talent de Joaquin Phoenix, par l'image de Paul Thomas Anderson et par la musique, parce que tout ça ne nous raconte pas vraiment une histoire, mais nous fait vivre une époque. On continue avec à 14 ans, c'est cela même d'Hélène Zimmer sur le quotidien de 3 adolescentes durant une année, la dernière d'entrée avant le lycée, c'est ça ? Exactement, c'est forcément une année importante, c'est celle où on cesse d'être un enfant mais on n'est pas encore prêt à entrer dans l'âge adulte. C'est donc l'adolescence, ses peines, ses difficultés, la pression du groupe, la réussite à l'école, les parents, mais pas que, parce que à 14 ans, c'est ni un drame ni une étude sociologique, c'est vraiment la chronique d'une année avec donc ce qu'il y a de plus dur mais aussi ce qu'il y a de plus heureux, les amours, les amis, les sorties et puis surtout le fait qu'à cette âge-là, tout est encore possible. C'est vraiment, ce moment-là qu'Hélène Zimmer voulait filmer. Tokyo Fiancé, adapté d'un roman d'Amélie Nothomb. Ouais, alors moins connu que Stupeur et Tremblement, mais bon, qui raconte aussi un bout de sa vie au Japon. Quand toute jeune fille, elle s'est installée là-bas. Pour vivre, elle donne des cours particuliers de français à un jeune de bonne famille qui va devenir son amant japonais. Je crois que c'est vraiment un des livres où Amélie Nothomb parle le plus et le mieux du sentiment amoureux. Et c'est aussi, et c'est là où il touche juste, le cœur du film. Bon, qui est pas un grand film, c'est une petite chose, avec une jolie musique, une comédienne parfaite, Pauline Étienne. Mais ce qui est vachement bien, c'est que vous ressortirez avec l'envie d'aimer, qui, bon ça vous vous débrouillez, mais sortir d'une comédie romantique avec une envie d'amour, c'est quand même plutôt bon signe. À l'affiche cette semaine, au cinéma, oui. Fast and Furious, difficile de passer à côté. Oui, et difficile de passer après Jean-François. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que depuis le début de la saga, c'était en 2001, le film n'a pas d'autre ambition que de mettre en scène, dans des cascades de plus en plus dingues, des voitures qui vont très très vite. Et c'est justement ça le secret de la réussite de ces films-là. Parce que dès la première image, en gros, on vous dit, voilà, laissez votre cerveau à l'entrée. Du coup, comme ça, vous avez tous les neurones débranchés. Vous vous posez pas de questions. Pas de questions sur l'histoire, qui tient d'ailleurs en une ligne de toute façon. Puisque c'est les Fast and Furious doivent faire face à un méchant bien décidé à se venger de la mort de son frère. Point. Et cherchez pas à en savoir plus. On se demande pas non plus si c'est crédible. C'est-à-dire qu'on voit une Lamborghini quand même sauter d'un gratte-ciel à un autre. On trouve ça juste cool. Et puis on se laisse aller à rire parce qu'il y a aussi plein de clins d'œil, plein de second degré, c'est-à-dire plein de moments où les acteurs nous disent, on sait bien que c'est n'importe quoi, mais on sait que ça vous plaît, alors on va continuer. Voilà. S'il y avait peut-être tout de même une question en suspens sur ce film-là, c'est comment ont-ils fait pour intégrer Paul Walker, qui était mort dans un accident en 2013, à 40 ans, dans ce Fast and Furious 7. Et ben alors, pour les dialogues, James Wan, le réalisateur, il est allé chercher des rushs de tous les autres films qu'il a intégré à ce film-là. Et puis pour les cascades, mais ils ont fait appel à un studio, le studio de Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, pour recréer numériquement un Paul Walker, qui est donc celui que vous allez voir dans les cockpits des voitures qui conduit à fond la caisse. À l'écran, c'est invisible. Et d'ailleurs, aucun des spectateurs que j'ai croisés à la sortie de la première séance n'a vu la différence. Alors, on change de registre avec Cerise de Jérôme Enrico, qui avait créé La Surprise il y a 2 ans avec Paulette et qui a terminé sa carrière au-delà du million de spectateurs. C'est avec la nièce en plus d'Isabelle Adjani. Exactement. Si vous avez aimé Paulette, vous aimerez Cerise, qui raconte les rapports entre les deux générations les plus éloignées. C'est, vous savez qu'en général, il y a une vraie incompréhension entre les parents et les enfants, une incompréhension qui s'efface complètement quand les petits-enfants sont avec les grands-parents. Il y a une relation très particulière qui se noue. Et le film raconte cette complicité, en l'occurrence, entre une babouchka, une grand-mère ukrainienne, et Cerise, Zoé Adjani, vous l'avez dit, la nièce d'eux, qui est envoyée par sa mère en Ukraine, qui ne la supporte plus. Elle est envoyée par sa mère retrouver son père. Voilà. Ça donne à la fin un voyage initiatique assez tendre dans un pays en plus bouleversé par les événements de la place Maïdan. Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas. Et avec Antoine Léris pour parler cinéma, puisque c'est votre rayon à vous, Antoine. Exactement. Et on commence avec le nouveau film de Paul Thomas Anderson, réalisateur de There Will Be Blood, et qui nous plonge là dans l'univers hippie en Californie dans les années 70 avec ses couleurs, son rythme, ses fringues et sa musique. Alors j'avais failli oublier ces drogues, parce qu'il est impossible que vous compreniez l'histoire d'Inherent Vice si vous ne prenez pas ce que prend Doc Sportello, le personnage principal du film. Oui, tout au long du film, il utilise la marijuana, le LSD, les acides, etc., etc. En fait, c'est les années 70, quoi. Et c'est donc avec une perception légèrement altérée qu'il va devoir mener une enquête.

de un minuto para comprobar sus respuestas. Este es el final de la tarea 1. Tarea 2. Escuche la grabación. Marque las opciones correctas de cada ítem. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas. Vous écoutez France Culture. Séquence des matins, que nous arrive-t-il avec Xavier Delaporte sur la toile? Que nous arrive-t-il en musique avec Mathieu Conquet? Que nous arrive-t-il en livre, en théâtre, que sais-je, avec Bertrand Saint-Vincent du Figaro? Bonjour Xavier Delaporte. Bonjour Marc Vanchet, bonjour à tous. Que nous arrive-t-il sur la toile? Alors, vu depuis les nouvelles technologies, le discours sur l'Afrique est étonnamment unanime et fait d'ailleurs de ce continent un cas assez intéressant. Parce que, alors que dans l'ensemble du monde, la connexion Internet s'est d'abord faite sur des ordinateurs, via des câbles, avant de migrer vers les terminaux mobiles, les smartphones et les tablettes, l'Afrique suit une voie complètement différente. C'est-à-dire que l'étape de l'ordinateur a été sautée, et c'est via le téléphone mobile que l'Internet est en train de pénétrer en Afrique. Les chiffres sont d'ailleurs assez frappant. C'est le journal Le Monde qui les donnait récemment. Alors que les connexions mobiles représentent 10% du trafic web dans le monde, elles atteignent 60% au Zimbabwe et au Nigeria. Et au Kenya, par exemple, 99% des abonnements à Internet sont des abonnements mobiles. Alors les raisons, c'est des infrastructures télécoms qui sont très lacunaires, fixes, des infrastructures fixes, qui font que quand la connexion par câble est possible, elle est d'une lenteur légendaire. En Afrique du Sud, par exemple, l'adjectif slow est l'épithète homérique de l'Internet, à tel point qu'il y a quelques années, une entreprise sud-africaine qui était excédée par la lenteur de la connexion ADSL du principal fournisseur d'accès du pays, qui s'appelle Telkom, avait décidé de faire parcourir 80 km à 4 gigabits d'information par deux moyens différents. Internet d'un côté et un pigeon voyageur de l'autre, du nom de Winston. Et une carte mémoire avait été fixée sur sa patte. Ah, Winston. Eh bien, Winston, le pigeon, a mis 2 heures et à son arrivée, seuls 4% des 4 gigas avaient franchi la même distance par Internet. Et si. C'est l'effet Churchill. Cette petite histoire avait fait grand bruit, notamment en Afrique du Sud, parce que c'est censé être un pays avec une infrastructure plutôt plus développée que les autres. Alors aujourd'hui, c'est le potentiel de l'Afrique qui est mis en avant, potentiel qui passe par le mobile donc, car le taux de pénétration est encore suffisamment faible pour espérer une très forte croissance. Il est aux alentours de 15% ce taux de pénétration, et puis il se concentre principalement dans les villes. Alors les grandes entreprises du numérique mondial ont déjà investi le continent. Microsoft s'est allié à une entreprise africaine pour fabriquer des smartphones à bas prix. Nokia finance des incubateurs de start-up dans tout le continent, Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Égypte. IBM a des bureaux dans 20 pays, Google travaille à sa traduction dans les principales langues africaines, sans parler des entreprises chinoises qui vendent des clés 3G à bas prix. Alors ces entreprises, elles tapent sur une croissance forte des usages parmi une population très jeune, donc ils adoptent assez facilement. Quels usages ? Eh bien, en fait, c'est des usages dont le téléphone portable, même non relié à Internet, a déjà montré qu'ils avaient un fort potentiel de développement. Par exemple, des services de transfert d'argent ou alors des plateformes qui informent l'agriculteur du prix de ses produits sur les marchés de la région ou même des outils de santé à distance, éducation dans les campagnes reculées, etc. Alors, à en croire la littérature sur le sujet, l'Afrique est donc le nouvel Eldorado du numérique. Un discours qu'on retrouve aussi bien chez les start-upers africains que chez Eric Schmidt, le patron de Google, qui a fait un post sur son blog au retour d'une semaine en Afrique qui vaut son pesant en cacahuètes, et dans une étude tout récemment menée notamment par le cabinet McKinsey. Alors moi j'avoue de mon côté être assez frappé par cet unanimisme et étonné aussi par le fait que d'autres aspects ne sont jamais abordés. Par exemple, les minerais nécessaires à la fabrication de nos outils numériques. Terres rares, coltan, cassitérite, etc. Aujourd'hui, on est largement dépendant des Chinois qui sont les principaux producteurs et exportateurs de ces matériaux. Mais ces minerais sont présents sur le sol africain et à mesure que la demande mondiale croît, les ressources africaines sont convoitées, ce qui n'est pas sans conséquence. Le contrôle des mines de coltan du Kivu a été une des causes, on le sait, de la guerre civile en République démocratique du Congo. Et certains sont allés jusqu'à émettre l'hypothèse que de grandes multinationales avaient tout intérêt à une instabilité qui les permettait l'acquisition de ces minerais à bas prix. Alors, où les questions politiques, donc, refont surface, ainsi que les vieilles relations avec l'Afrique. De tout cela, donc, on ne dit rien quand on parle de révolution numérique en Afrique, ce qui empêche de se réjouir totalement de ce nouveau modèle qui est inventé par ailleurs. La chronique de Xavier Delaporte sur franceculture.fr. Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas. Vous écoutez France Culture. Séquence des matins, que nous arrive-t-il avec Xavier Delaporte sur la toile? Que nous arrive-t-il en musique avec Mathieu Conquet? Que nous arrive-t-il en livre, en théâtre, que sais-je, avec Bertrand de Saint-Vincent du Figaro? Bonjour Xavier Delaporte. Bonjour Marc Vanchet, bonjour à tous. Que nous arrive-t-il sur la toile? Alors, vu depuis les nouvelles technologies, le discours sur l'Afrique est étonnamment unanime et fait d'ailleurs de ce continent un cas assez intéressant. Parce que, alors que dans l'ensemble du monde, la connexion Internet s'est d'abord faite sur des ordinateurs, via des câbles, avant de migrer vers les terminaux mobiles, hein, les smartphones et les tablettes, l'Afrique suit une voie complètement différente. C'est-à-dire que l'étape de l'ordinateur a été sautée, et c'est via le téléphone mobile que l'Internet est en train de pénétrer en Afrique. Les chiffres sont d'ailleurs assez frappants, c'est le journal Le Monde qui les a donnés récemment. Alors que les connexions mobiles représentent 10% du trafic web dans le monde, elles atteignent 60% au Zimbabwe et au Nigeria. Et au Kenya, par exemple, 99% des abonnements à Internet sont des abonnements mobiles. Alors les raisons, c'est des infrastructures télécoms qui sont